La famille et les amis. Activité 2. Compréhension orale. Première écoute. Pour moi, la famille, c'est essentiel. Bien sûr, je passe pas mal de temps avec mes copains, au lycée ou ailleurs. On forme une joyeuse petite bande que je considère un peu comme ma deuxième famille. Mais j'aime bien aussi passer des moments en famille. La meilleure période dans l'année pour profiter de mes parents, c'est Noël. Tout le monde est détendu, on se fait des cadeaux, on se marre bien. Faut dire qu'on est une famille unie. Ça compte? Ce qui compte le plus pour moi, ce sont les copains et le sport. Et ma mère me le reproche parfois. Comme je fais de la natation et du foot, je passe pas mal de temps hors de la maison. Je fais également partie du club informatique du lycée. Alors la famille, je peux dire qu'elle vient au second plan. Même si ça ne me déplaît pas quand mes parents organisent une petite fête familiale. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Ça a été un moment très douloureux pour moi. Après, ma mère s'est remariée et j'ai un demi-frère avec lequel je m'entends bien, même s'il est bien plus jeune que moi. Je vois mon père rarement car il travaille en Chine. Parfois, j'aimerais que tout redevienne comme avant, mais je sais que ça a peu de chances d'arriver. Surtout que mon père et ma mère sont très heureux chacun de leur côté. Mon père et ma mère sont exceptionnels. C'est ce que je pense, et même mes copains le disent. Ils ne m'ont jamais traité comme un bébé. À la maison, ils me donnent des responsabilités, et ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. En plus, j'ai une grande complicité avec ma sœur aînée. Alors vous pensez bien que, pour rien au monde, je n'échangerai ma famille contre une autre. Deuxième écoute. Pour moi, la famille, c'est essentiel. Bien sûr, je passe pas mal de temps avec mes copains, au lycée ou ailleurs. On forme une joyeuse petite bande que je considère un peu comme ma deuxième famille. Mais j'aime bien aussi passer des moments en famille. La meilleure période dans l'année pour profiter de mes parents, c'est Noël. Tout le monde est détendu, on se fait des cadeaux, on se marre bien. Faut dire qu'on est une famille unie. Ça compte? Ce qui compte le plus pour moi, ce sont les copains et le sport. Et ma mère me le reproche parfois. Comme je fais de la natation et du foot, je passe pas mal de temps hors de la maison. Je fais également partie du club informatique du lycée. Alors la famille, je peux dire qu'elle vient au second plan. Même si ça ne me déplaît pas quand mes parents organisent une petite fête familiale. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. Ça a été un moment très douloureux pour moi. Après, ma mère s'est remariée et j'ai un demi-frère avec lequel je m'entends bien, même s'il est bien plus jeune que moi. Je vois mon père rarement car il travaille en Chine. Parfois, j'aimerais que tout redevienne comme avant, mais je sais que ça a peu de chances d'arriver. Surtout que mon père et ma mère sont très heureux chacun de leur côté. Mon père et ma mère sont exceptionnels. C'est ce que je pense, et même mes copains le disent. Ils ne m'ont jamais traité comme un bébé. À la maison, ils me donnent des responsabilités et ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. En plus, j'ai une grande complicité avec ma sœur aînée. Alors vous pensez bien que, pour rien au monde, je n'échangerai ma famille contre une autre.